les dernières pages de son manuel, Épictète enjoint son lecteur, je cite, « à se juger digne dès à présent de vivre en homme adulte qui progresse ». Et il ajoute « et que tout ce qui paraît manifestement le meilleur soit une loi inviolable ». En refermant un livre comme ce manuel, on a donc moins en main une solution qu'un appel. Un appel à progresser et à viser le meilleur au quotidien. Mais que signifie un tel appel ? Progresser, est-ce tenter de se trouver ou de se dépasser ? Viser le meilleur, est-ce simplement aller bien ou aller mieux ? Autrement dit, faut-il l'entendre comme un appel au bonheur ou au développement de soi, coûte que coûte ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un terme commun, mais que très peu de personnes ne comprennent ou se sont penchées dessus réellement, c'est le développement personnel. Que veut dire ce terme exactement de développement personnel ? Il s'agit de mieux se connaître soi-même, de travailler sur la gestion de ses émotions, de se fixer des objectifs, d'avancer vers une vie plus saine qui vous ressemble. En fait, de laisser parler votre passion, vos envies, vos besoins. Est-ce qu'on peut réellement devenir qui on veut ? Est-ce qu'on peut réellement travailler sur soi ? Quand on a été un grand timide, quand on a été incapable d'aborder une femme pendant 10, 15, 20 ans, est-ce qu'on peut le faire du jour au lendemain ? La réalité est non. Vous ne pourrez pas modifier votre nature du jour au lendemain. Mais si vous mettez en place de petites actions, si vous commencez par sortir de votre zone de confort, par réaliser de petits objectifs qui sont atteignables, qui vous ressemblent, encore une fois, c'est à vous de les déterminer ces objectifs, et bien vous ferez le même constat que moi. Le dev perso, c'est réel, ça marche. Vous pouvez devenir la personne que vous voulez être. Bonjour Ilaria Gaspari. Bonjour Géraldine, je suis très contente d'être avec vous. Et désolée pour mon accent italien. Non, c'est parfait, au contraire, moi aussi je suis ravie de vous recevoir. Alors vous êtes loin, vous êtes à Rome, mais grâce à la technique, nous pouvons vous avoir en direct. Donc je suis ravie de vous recevoir pour cette dernière émission sur le manuel d'Épictète. Vous êtes écrivaine, docteur de recherche en philosophie, vous êtes l'autrice de Leçons de bonheur, exercice philosophique pour bien conduire sa vie, qui est paru aux éditions PUF en 2020 et qui est reparu sous le titre « Six philosophes dans mon salon, sagesse antique » aux éditions Champ Flammarion. Alors c'est dans ce livre, Ilaria Gaspari, que vous avez décidé, suite à une rupture amoureuse et en plein déménagement, d'appliquer à la lettre les préceptes des philosophes antiques, dont ceux des stoïciens, et notamment ceux du manuel d'Épictète. Pourquoi ? Est-ce que vous aviez le même but finalement que ce qu'on a entendu dans cet extrait, que le développement personnel, de vous trouver, de devenir la personne que vous vouliez être ? Non, tout à fait, je n'avais pas ce but, même si je sais que on peut parfois penser qu'il y a un lien entre le développement personnel et certaines pratiques de la philosophie antique. Mais le principe est complètement différent et c'est surtout là que je voulais travailler. Je suis partie d'une notion qui n'a rien à voir avec le développement personnel, qui a souvent un but en vue, non? Les livres de développement personnel sont très bien vendus dans les librairies aussi en Italie, on en trouve plusieurs sur n'importe quel aspect de la vie, non? Mais il y a toujours l'idée qu'il faut travailler pour obtenir un résultat précis et souvent c'est quelque chose qui a à faire avec la compétition avec les autres, avec l'idée qu'il faut émerger dans la vie d'une certaine façon et obtenir un succès. Et cette idée de gagner, d'être gagnant dans la vie, je l'aime pas du tout en fait. Je trouve que c'est une idée que mais bon, je pense que bon, il est légitime pour certaines personnes de la cultiver, mais pour moi c'est vraiment pas ce que m'intéresse et surtout ça a très peu à voir avec la philosophie antique. Plutôt, la notion de laquelle j'ai parté est la notion d'exercice spirituel, qui est un mot, une expression qui a été connue par Ignace de Loyola. Donc c'est ça naît dans une réflexion religieuse, mais qui Pierre Hadot, à la fin des années 70, il la reprend dans son livre qui est très remarquable, Exercice spirituel et philosophie antique, et il la reprend dans un sens non pas religieux, mais dans un sens philosophique. Philosophique et surtout par rapport à ce que fait la philosophie antique sur les travails sur soi, la pratique volontaire et personnelle d'opérer une transformation de soi, mais pas pour un bout, mais seulement pour voir comment la pensée peut avoir un effet sur notre pratique de vie. Et donc là, Pierre-Ado récupère cette notion, cette définition, et il l'applique à la philosophie antique, notamment la philosophie stoïcienne. Il part de là parce que c'est vraiment l'école dans laquelle cette idée pratique de transformation de soi qui n'a pas un but précis, qui n'a pas le but d'attendre, de rejoindre un succès, mais qui a plutôt à faire avec la force de la pensée, alors que notre idée du monde transforme notre manière de vivre. Donc c'est l'idée de la philosophie comme art de vivre, qui est une idée antique, qui parfois pour nous est un peu difficile à comprendre aujourd'hui, et voilà pourquoi on fait de la confusion avec le développement personnel. Effectivement, et on l'identifie cette philosophie antique comme art de vivre à du développement personnel, où on a tendance, en fait, dès qu'on parle de philosophie antique en termes de bien vivre, de bonheur, de recherche de soi, on a tendance à dire qu'on corrompt cette philosophie antique, alors que finalement c'est aussi une manière peut-être de la corrompre que de vouloir à tout prix l'identifier à une philosophie qu'on pourrait dire post-antique, moderne, où en fait là on traite de questions en termes de système, en termes spéculatifs. Et il faut bien, Hilaria Gaspari, c'est ce que vous faites dans votre livre, redonner toute la force de cette philosophie antique comme art de vivre, comme pratique. Oui, voilà, c'est ça. Et il faut, pour faire ça, je pense qu'il faudrait toujours faire un pas en arrière et se souvenir que, et se souvenir, étudier un peu ça et surtout comprendre, faire l'effort de comprendre que pour la philosophie antique, il n'y a pas le hiatus qu'on voit entre la pratique et la partie théorique de la philosophie, la partie spéculative. Dans la philosophie antique, il y a bien sûr, il y a un développement de la pensée et un développement de la pratique de vie, mais il n'y avait pas une exclusion réciproque entre pratique et théorie. Et ça, c'est quelque chose qui vient de la spécialisation de la philosophie et qui naît dans l'époque, dans la Grèce antique, qui naît à Rome, qui naît dans cette période classique, mais c'est une radicalisation, celle de l'opposition entre pratique et théorie qui vient après. Alors que pour les Grecs, pour ces écoles qu'on étudie en tant qu'école, parce que là c'est aussi important, et là c'est important la contribution de Pierre-Ado, parce qu'il montre comme c'était les écoles de philosophie, genre l'école stoïcienne, l'école épicuréenne, il y a plusieurs écoles, et c'était des communautés des gens qui vivaient suivant les enseignements d'un maître qui enseignait à penser et à vivre. Donc il n'y avait pas l'opposition entre la vie et la philosophie, entre vivre et philosopher. Et ça, je trouve que c'est très important pour nous aujourd'hui parce qu'on a un peu perdu ça. Et quand on s'est dédié à l'améliorement de soi, souvent ce qui manque est une réflexion complète sur le sens de la vie, sur tout ça. Et le bonheur aussi. Alors, on a une idée très consommiste du bonheur, je trouve, aujourd'hui. Alors que pour cette philosophie des écoles antiques, le bonheur tenait surtout à une idée de la vie. C'était une vertu. C'était une vertu éthique. Donc voilà. Là, vous voyez que c'est très différent de considérer le bonheur comme quelque chose qu'il faut exhiber pour se montrer plus réussi, plus gagnant que les autres. Donc c'est bien pour trouver le bonheur que vous avez décidé de vous plonger dans les philosophies antiques. Hilaria Gaspari, je vous propose d'écouter un extrait du manuel d'Épictète. On va voir comment ce qui est dit dans cet extrait, c'est les paragraphes 15 et 16. Ce qui est dit dans ces extraits vous a peut-être influencé et vous a peut-être aidé à trouver le bonheur. Souviens-toi qu'il faut te conduire comme dans un banquet. Le plat qui circule est arrivé jusqu'à toi. Tends la main et serre-toi décemment. Il s'en va, ne le retiens pas. Il n'est pas encore là. Ne lance pas ton désir au loin, mais attends qu'il arrive à toi. Agis de même pour tes enfants, pour ta femme, pour les hautes charges, pour la richesse, et un jour tu seras un digne convive des dieux. Et si tu ne prends pas ce qui t'est offert, mais le dédaignes, non seulement tu seras un jour un digne convive des dieux, mais leur associé. Car c'est en agissant de la sorte que Diogène, Héraclite et leurs semblables méritaient d'être divins et appelés de ce nom. Lorsque tu vois quelqu'un pleurer en prenant le deuil, ou parce que son enfant s'est expatrié, ou parce qu'il a perdu ses biens, prends garde à ne pas être emporté par la représentation suivant laquelle celui-ci se trouve dans des mots extérieurs. Mais aie aussitôt ceci sous la main. Ce n'est pas l'événement qui l'accable, car un autre que lui n'en est pas accablé, mais l'opinion qu'il en a. Toutefois, n'hésite pas, aussi loin que vont les mots, à te joindre à lui, et même à l'occasion à gémir avec lui. Mais prends garde à ne pas gémir aussi à l'intérieur. C'était donc un extrait du manuel d'Épictète, paragraphes 15 et 16, interprété par François Raison. Alors on entend dans ces deux paragraphes la tonalité de cette philosophie stoïcienne qui encourage à la modération, voire à la restriction. On a parlé cette semaine de tout ce travail à faire sur nos représentations. Hilaria Gaspari, quand vous lancez dans votre semaine stoïcienne, parce qu'il faut dire en fait que vous, pendant 6 semaines, vous avez appliqué chaque semaine des principes de philosophie antique, donc les principes des pythagoriciens, des éléatiques, des sceptiques, des stoïciens, des épicuriens et enfin des cyniques. Quand vous êtes lancé dans votre semaine stoïcienne, comment la voyez-vous à ce moment-là? Comment ce genre de principe vous a influencé ou peut-être rebuté ou vous a paru peut-être difficile à mettre en œuvre? Ah oui, alors c'était la semaine la plus difficile, je pense. Ah oui? La semaine... Oui, c'était très difficile. Oui, parce que... Parce que sceptique, ça me semble pas facile comme ça non plus, hein. Non, sceptique, c'était pas facile parce que je devais m'en douter de tout, de n'importe quoi. Donc voilà, c'était assez difficile de ne pas avoir des certitudes. Mais c'était vraiment un exercice. Mais toutes les semaines étaient des exercices vraiment très intéressants parce qu'ils m'ont donné aussi la mesure des automatismes, non, dans lesquels j'ai tombé sans m'apercevoir. Parce que pour nous, je pense que c'est normal pour tout le monde d'avoir des automatismes, des chemins de la pensée qui sont presque automatiques dont on ne se rend pas compte. Et comme le dit Proust, non, c'est quand on s'éloigne de l'habitude, de la coutume, qu'on voit qu'on avait une habitude. Parce que parfois, on ne s'aperçoit même pas d'avoir une habitude. On regarde la même peinture, la même photo pendant 10 000 fois. Et alors qu'on l'enlève, alors qu'on la déplace, on s'aperçoit des détails et des choses qu'on n'avait pas vues, forcer l'habitude. Alors voilà, c'est ça qui m'est arrivé par rapport à mes pensées, à ma façon de vivre, d'être dans le monde. Il y avait des choses que je ne questionnais pas. Et là, je suis arrivée à les questionner. Et la semaine stoïcienne, sur cela, était vraiment très forte parce que je suis quelqu'un qui vit beaucoup de ses émotions. Je suis vraiment un peu troublée tout le temps. Et j'étais très troublée. Comme beaucoup d'entre nous. <C'est> hein. Oui, je pense que c'est normal, c'est humain, non? Oui. Et là, la sagesse stoïcienne, on le dit encore dans la langue commune, non? Je suis stoïque, je reste stoïque. Non, quand on doit résister à une force qui nous pousserait à être plus faible, à se laisser vaincre par les événements, non? À être un peu esclave de ses opinions, comme dit ces passages que j'aime beaucoup. Mais alors, voilà, j'ai vu que la sagesse stoïcienne, c'est pas facile pour moi à atteindre, mais en essayant de l'atteindre, c'était pas le but qui m'emportait, c'était l'effort d'essayer de penser d'une façon différente. Et là, je trouve que ces passages du manuel d'Épictète, que j'ai vu que vous avez déjà beaucoup analysé avec d'autres experts les jours avant, c'était super de suivre l'émission. Merci. Parce que je trouve que c'est vraiment très profond de cette approche, et j'aime bien ça. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de le vivre. Non? Donc voilà. Ce qui est une autre paire de manches. Parce qu'effectivement, comme on l'a vu hier avec notre invitée Christelle Veillard, dès lors qu'on s'agit d'expliquer ou de lire le manuel d'Épictète, ça semble être assez simple. Dès qu'on essaye en revanche de l'appliquer, c'est là où les problèmes arrivent et où on se rend compte que finalement, ce qui nous semblait simple sur le papier, à savoir modifie par exemple tes représentations, hein, comme on l'a entendu dans ce texte, ou attend qu'un plat arrive à toi, finalement sur le moment, cette modification, cette transformation de ses habitudes est beaucoup plus problématique. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, ce que j'aime chez les manuels d'Épictète, mais c'est quelque chose que j'aime dans toute la philosophie antique en général, c'est la simplicité de la forme, non? C'est une forme presque poétique, c'est très facile à comprendre quand tu le lis, non? Mm-hmm. Et c'est vrai que sa transformation en pratique, pourtant, requit un effort auquel on n'a pas l'habitude. Non. Donc voilà, par exemple, je pense le deuxième la deuxième partie de cet excerpt qu'on a lu, quand il dit que ce n'est pas l'événement qui l'accable, mais l'opinion qu'il en a. C'est si vrai que parfois c'est l'opinion, c'est l'idée de quelque chose qui nous arrive qui nous trouble davantage. Et il faut distinguer. Et là, voilà, je sais que vous avez beaucoup parlé du partage d'Épictète, qui est très important, qui est vraiment une règle, un critère que j'ai gardé dans ma vie après cette expérience. L'idée de partager entre les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Et donc voilà, la partie de l'opinion, ça dépend de nous, donc on peut travailler sur la représentation de quelque chose. Mais c'est pas facile de le faire, tout à fait. Parce que, au final, ça requiert un effort. Mais quand on commence à prendre conscience de ça, du fait qu'on peut travailler sur la représentation d'un événement, d'une émotion aussi, c'est assez révolutionnaire. Et ça te donne la force de faire, de te poser dans les banquets de la vie, comme Épictète le prescrit dans la première pratique qui a été lue. Et parce que c'est un effort de patience. Mais c'est un effort de patience qui a à faire avec une idée, une conception globale, complexive de la vie. Et donc, je pense que même si on n'arrive pas à être vraiment dans la vraie vie des sages stoïciens, peut-être au final, je n'aimerais même pas être une sage stoïcienne. Parce ah que oui, pourquoi ça Oui, parce que ça voudrait dire que je serais complètement ataraxique et complètement autarchique. C'est-à-dire, je serais détaché de mes émotions, alors que même si mes émotions me troublent beaucoup, je trouve qu'elles m'offrent une vision de la vie qui se complète très bien avec l'effort de ne me pas laisser vaincre par mes émotions. C'est une bonne objection qu'on pourrait faire à Épictète, effectivement, et à ce manuel. C'est-à-dire qu'on a déjà évoqué le fait de ce partage entre ce qui dépend de moi et de ce qui ne dépend pas de moi, cette manière peut-être de restreindre la liberté à un fort intérieur, la responsabilité à l'espace de son esprit, mais on peut aussi se demander si effectivement cette manière de se conduire n'est pas une forme, pas seulement de déresponsabilisation à l'égard du monde, de l'extériorité, mais aussi à l'égard en fait de ses passions. Et c'est une bonne question qu'on pourrait adresser au manuel d'Épictète et que je vous adresse à vous, Ilaria Gaspari. Modifier l'opinion qu'on a d'un événement, est-ce forcément le rendre dépassionné? Est-ce qu'on peut pas le modifier non pas dans un but d'absence de trouble, mais plutôt de manière à ce qu'il nous heurte pas? Le trouble est-il forcément quelque chose de l'ordre de la blessure? Et là, est-ce qu'il n'y a pas un raccourci chez Épictète entre trouble et blessure? Oui, et c'est une très très bonne question, et c'est la question au final que je me suis posée à la fin de cette semaine, et là, quand je suis passée à la semaine suivante, à la semaine épicurienne, je pense avoir trouvé la solution pour cela, parce que c'est vrai que réduire les troubles parfois nous défend du monde, mais ça nous rend un peu, c'est comme si on devenait sourd au monde. C'est comme si on entendait plus la force de la vie qui nous entoure, et surtout c'est un problème qui se pose par rapport à la responsabilité, même si la philosophie stoïcienne est une philosophie qui regarde à la liberté comme un acte volontaire. Et oui, voilà, c'est ça, c'est impossible, je pense, de le réaliser tout le temps. Donc je pense qu'il faudrait... Ilaria Gaspari, on ne vous entend plus, est-ce que vous êtes encore avec nous? Alors, je vous propose, en attendant de retrouver notre invité Ilaria Gaspari, d'entendre la voix de Pierre Hadot. Pierre Hadot qui est Pardon, un... vous avez... Ah, voilà, vous êtes là, vous êtes revenu. Parfait. Continuez, Ilaria Gaspari. Désolée, ça dépend pas de moi. Oui, oui. Ah, ben voilà, ça dépend pas de nous. Voilà, c'est un très bon exercice philosophique. Donc, continuez si vous le pouvez. Sinon, je vous propose d'écouter la voix de Pierre Hadot. Ah, oui, oui, oui, bien sûr. J'aime bien écouter Hadot. Eh ben alors, allons-y pour Pierre Hadot. Cette idée que le stoïcien veut avant tout sa tranquillité d'âme. En fait, la tranquillité d'âme, elle n'est possible que s'il a conscience d'avoir agi en essayant de faire le bien. Et donc, en agissant pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a de tranquillité d'âme que si on a une action réelle et une action altruiste. Et justement, l'opposition entre les épicuriens et les stoïciens dans l'Antiquité, et ce qui a fait le succès du stoïcisme par opposition à l'épicurisme, qui lui a eu d'abord un succès gigantesque et ensuite a diminué beaucoup, c'est que les épicuriens étaient justement des gens qui n'agissaient pas dans la vie publique, ou du moins qui renonçaient à leur épicurisme s'ils agissaient dans la vie publique, tandis que les stoïciens étaient des gens qui comprenaient qu'ils avaient un devoir civique extrêmement important. Là, je ne crois que le stoïcisme n'empêche absolument pas d'avoir une action, bien au contraire. Enfin, c'est une des choses les plus essentielles. Et là, je me permets de citer Sénèque, « Vis pour autrui si tu veux vivre pour toi ». Vous avez cité tout à l'heure Ilaria Gaspari, Pierre Hadot, donc le philosophe Pierre Hadot. Là, c'était dans l'émission Réplique sur France Culture le 18 septembre 1993. C'est à lui que l'on doit ce grand travail sur les philosophies antiques, ce terme d'exercice spirituel. Lui aussi fait une distinction entre les épicuriens et les stoïciens. Mais à l'inverse de ce qu'on a entendu dans le manuel d'Épictète tout à l'heure, où Épictète nous enjoint à gémir avec notre ami s'il souffre, mais sans gémir à l'intérieur et d'une certaine manière à ne pas être atteint par la peine d'autrui, à ne pas être atteint par la peine tout court. Là, en revanche, Pierre Hadot nous dit qu'il y a quand même une dimension en fait, de compassion, de sympathie, de rôle public à jouer qui est très important chez les stoïciens. Comment vous, Ilaria Gaspari, avez-vous mis en œuvre cette articulation entre d'un côté travailler sur vos émotions ou en tout cas sur vos représentations, vos jugements, donc être recentré sur vous-même et en même temps continuer à avoir une vie sociale? Ah oui. Alors, c'était très émouvant d'entendre la voix de Pierre Hadot. Et voilà, tout à fait ce qu'il dit. Ça, c'est très important parce que c'est vrai que la philosophie stoïcienne est une philosophie plus politique que la philosophie épicurienne. Non, la philosophie épicurienne a cette idée du lasébios, de vivre un peu caché, de se retenir de la vie publique, alors que la philosophie stoïcienne est une philosophie, c'est la philosophie de l'empereur Marc Aurèle, par exemple. Ça a vraiment une vocation aussi politique, même si c'est une idée de la politique très, très compliquée là aussi. Mais là, ce passage que d'Épictète, il ne dit pas qu'il faut être détaché de la souffrance de l'autre, il dit seulement que ce n'est pas bon que le sage soit lui-même troublé, se laisse vaincre par la douleur de l'autre. Donc voilà, c'est l'idée qu'il faut participer, mais en gardant le contrôle de soi. Le contrôle de soi pour le stoïcien est très important, mais je pense que c'est plutôt un point auquel il faut mirer, non, il faut essayer d'arriver, mais ce n'est pas tout à fait quelque chose qu'on peut réaliser tout le temps. Donc voilà pourquoi c'est plutôt un travail en passant, c'est plutôt un travail en train de se faire que le but d'arriver là-bas. Donc c'est pour moi c'était comme ça en essayant de le vivre, parce que je pense que c'est impossible d'être parfaitement stoïcien tout le temps. Oui. Je sais pas si j'arrive à l'expliquer bien, donc voilà, en fait, je pense que la solution serait, même si les épicuriens et les stoïciens étaient des rivales, des écoles rivales, parce qu'elles avaient plusieurs points en commun, au fait, je pense que le tempérament de l'épicuréisme peut un peu tempérer la force et la sévérité de la philosophie stoïcienne par rapport au contrôle des émotions. En nous rappelant que ce qui est important, c'est de ne pas être vaincu, de ne pas laisser que les passions tristes, comme les appellera Spinoza, qui d'une certaine façon il est un épicurien moderne, en sachant que les passions tristes ne doivent pas nous faire du chantage. Donc voilà, c'est un peu l'effort de se contrôler, de contrôler ses représentations à la manière stoïcienne, en sachant qu'il ne faudrait pas se laisser vaincre par ce qu'il y a de triste parfois dans ce qu'on éprouve, dans ce qui nous trouble, et en étant avec les autres d'une façon qui ne nous laisse pas vaincre par l'influence émotionnelle des autres. Donc c'est très difficile, c'est un équilibre très difficile. Et je pense que dans la vie quotidienne, c'est vraiment impossible de les garder tout le temps, parce que par exemple, quand on est, quand on a un lien très fort, quand on a un lien de filia, dirait les Grecs, avec quelqu'un, c'est pas facile d'être détaché comme Épictète le dit ici, mais qu'il faut l'entendre certains passages du manuel comme des ruses pratiques qu'il faut mettre en pratique pour ne pas se laisser vaincre, pour ne pas se laisser surmonter par tout ce qui nous trouble. Donc c'est plutôt un idéal auquel tendre que quelque chose à gagner tout de suite. C'est plutôt l'effort de les gagner que les résultats. Voilà. Et cette identification du trouble à la blessure, parce que vous avez même vous-même employé le terme, Ilaria Gaspari, de passion triste, est-ce que c'est véritablement une identification qui qu'opère Épictète, ou au contraire, est-ce que tout trouble, même la joie par exemple, est finalement condamnable selon les stoïciens? Est-ce qu'en fait tout ce qui déborde est condamnable dans le sens où ça nous décentre de nous-mêmes et où le jugement est débordé, où le fait est débordé par le jugement et la représentation qu'on en a? Ah oui, bien sûr, c'est la deuxième option, je pense, parce que tout à fait, tout ce qui déborde, tout ce qui sort d'un équilibre, dans le sens de la mesure et de la modération qui appartient très profondément à la culture grecque. Et là, c'est aussi quelque chose dont je me suis aperçue que je n'avais tout à fait pas le sens de l'équilibre, de la modération, qui est un idéal éthique très important chez les Grecs, chez toutes les écoles, chez les stoïciens, chez les épicuriens aussi, dont on a la représentation comme s'ils étaient un peu des vicieux, un peu des débauchés, voilà. Mais non, la modération, la mesure est quelque chose de très important. Donc aussi la joie peut nous troubler, bien sûr. C'est pas seulement les passions tristes. Pour moi, dans mon interprétation personnelle du stoïcisme, c'est vrai que je me suis aperçue avoir la tendance, mais c'est une tendance qui appartient à notre société, non, à être plus tolérante avec ma joie qu'avec ma douleur, non. C'est bien que dans notre expérience, on a toujours la sensation que les choses qui nous troublent le plus profondément sont les blessures et non pas les choses qui nous rendent très très heureux ou qui nous donnent l'enthousiasme d'être là. Mais voilà, essayer de faire ces efforts, cet effort de voir que de modérer aussi sa manifestation de joie, ça peut être utile aussi parce que en fait, ça nous donne une vision plus claire de ce qui représente les choses pour nous et de la force de notre représentation par rapport à notre idée de la vie. Donc, je pense que essayer d'être stoïcienne dans la pensée et pas toujours dans la pratique, ça nous aide beaucoup à être plus clair dans notre idée pratique de la vie et plus critique avec soi-même. Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce de théâtre qui est telle que le veut le poète dramatique. S'il veut que ton rôle soit court, il est court. S'il le veut long, il est long. S'il veut que tu joues un mendiant, un boiteux, un puissant, un simple citoyen, c'est pour que tu joues ce rôle avec talent. Car ce qui te revient, c'est de bien jouer le personnage qu'on t'a assigné. Quant à le choisir, c'est l'affaire d'un autre. Si jamais tu vois qu'un tel est plus estimé que toi, ou très puissant, ou qu'il est autrement honoré, ne juge pas, sous le coup de la représentation, qu'il est bien heureux. Car si l'essence du bien se trouve dans ce qui dépend de nous, il n'y a de place ni pour l'envie, ni pour la jalousie. Et toi, tu ne voudras être ni prêteur, ni prytane, ni consul, mais libre. Or, une seule voie y mène, le mépris des choses qui ne dépendent pas de nous. Souviens-toi que ce qui outrage n'est pas celui qui insulte ou qui frappe, mais l'opinion que ces choses sont outrageantes. Par conséquent, lorsque quelqu'un t'irrite, sache que c'est ton jugement qui t'a irrité. Ainsi donc, essaye, en premier lieu, de ne pas être emporté par la représentation. Car une fois que tu auras obtenu temps et délai, il te sera plus facile d'être maître de toi. Comme au théâtre, comme au théâtre, à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines. Plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre un extrait, encore une fois, du manuel d'Épictète, paragraphe 17, paragraphe 19, paragraphe 20, interprété par François Raison. On a entendu dans cet extrait à quel point Épictète pousse loin cette idée de contrôle de soi, de contrôle non seulement de ses représentations, mais aussi de son comportement, puisqu'il nous dit « Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce de théâtre qui est telle que le veut le poète dramatique ». Finalement, est-ce qu'Épictète nous enjoint, Hilaria Gaspari, à aller contre cette idée d'une vie heureuse comme une vie authentique ? Au contraire, il ne s'agit pas d'être authentique, il s'agit de jouer le jeu de la vie. Et là, c'est quelque chose, c'est un passage qui est assez bizarre pour nous à apprécier, parce que on vit dans une rhétorique parfois, non, de l'authenticité, que du fait qu'il faut être sincère et tout ça. Et là, il nous dit, bon, il faut jouer son rôle. Et donc, c'est un peu étonnant pour nous. Même si c'est une idée qui a une fortune énorme dans l'histoire de la pensée, pensons à Shakespeare, par exemple, non? Oui. L'idée du théâtre du monde, c'est une idée qui a une fortune énorme vraiment dans les siècles à suivre, dans la Renaissance et bien après. Parce que ce que j'avais pas dit, c'est que une des choses qui me frappe chez l'Emmanuel d'Épictète, c'est qu'il a été énormément important pour nombreux philosophes qui ont vécu dans d'autres époques et qui ne sont pas tout à fait des stoïciens, mais qui ont beaucoup aimé ces manuels. Je pense par exemple au poète italien Giacomo Leopardi. Il a fait une traduction mémorable. C'est celle dont vous vous servez d'ailleurs dans votre livre. Oui, c'était ça, oui, parce qu'en fait, au final, bon, le livre a été traduit très bien par Romain Lafort en français, mais en italien, j'ai posé des extraits de la traduction de ce poète que j'aime beaucoup, qui était aussi un philosophe de sa façon. Mais c'était très important, pour exemple, le manuel aussi pour Blaise Pascal, qui a une formation, une idée de la religion, de la vie tout à fait différente de celle d'Épictète, mais pourtant c'était très important pour lui aussi. Et là, voilà, ces passages du théâtre, c'est vraiment quelque chose de classique, c'est un topos classique, et c'est quelque chose qui, pour nous, est vraiment difficile à comprendre au premier regard. Et pourtant, si on l'analyse, on voit que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas... Ce n'est pas l'idée qu'il ne faut pas être authentique, qu'il ne faut pas être vrai, qu'il ne faut pas être sincère, même si je pense que parfois dans ce lexique de l'authenticité, il y a quelque chose un peu de mystification, parce que ça veut dire quoi, être vraiment soi-même, être, non? C'est quelque chose qui a à faire avec un paradoxe, parce que le plus qu'on se connaît, le plus qu'on change notre être. Oui, c'est l'idée quand même qu'il y a l'idée de se trouver comme si, en fait, se trouver soi, ce serait quelque chose comme une sorte de trésor qui serait enfoui, qui serait figé, qui serait forcément en nous seuls, et effectivement qui semble peut-être effectivement devenu une sorte de mythologie moderne, on peut le dire. Ah oui, mais oui, bien sûr, tout à fait. Je pense, je trouve, et voilà, au niveau du développement personnel, ça c'est vraiment un trésor pour cette idée de la vie, non, comme quelque chose à gagner, comme un trésor à découvrir, voilà. Alors que je pense que l'idée de se trouver, de se connaître, a à faire avec une idée transformative, dynamique du soi, qui est toujours en rapport aux autres et au rôle qu'on joue dans la vie. Et là, voilà, ces passages du manuel que j'aime beaucoup, mais que j'ai eu moi-même du mal à comprendre, parce que je me suis posé plusieurs questions sur tout ça. Et ce que je pense, au final, c'est que c'est vrai que tout à fait, c'est l'opposé de ce qu'il paraît être au premier regard. Donc, il paraît être quelque chose qui te dit, non, tu dois faire semblant d'être différent de ce que tu es. Mais non, il dit, toi, c'est toi l'acteur. Donc, c'est toi qui est derrière le masque. Et n'importe quel masque tu portes, tu restes toi. Et il faut que tu joues dans la vie, parce qu'il y a des devoirs sociaux, il y a des gens qui attendent des choses de toi, il y a des situations où pour rester toi-même, pour rester responsable de tes jugements, par exemple, il faut que tu poses l'idée de cette masque entre toi et ce qui t'arrive. Donc c'est une protection de la vie intérieure, je pense. Mais est-ce que cette manière de voir les choses, Ilaria Gaspari, est-ce que ça dissocie pas en fait notre être entre un moi intime et un moi social? Et est-ce que finalement on pourrait pas l'interpréter autrement, cette idée de jouer un rôle, c'est-à-dire à la fois en fait d'essayer de se trouver non pas soi de manière figée, mais en fait d'interpréter différents rôles, au risque d'ailleurs de l'hypocrisie, au risque de la désinvolture, de l'erreur, mais aussi pour comprendre autrement cette idée de détachement. Finalement, si on joue un rôle, ça nous décharge d'une certaine manière d'un engagement dans l'existence qui serait trop pesant, trop culpabilisant. À la fois jouer un rôle, c'est à la fois s'engager, jouer quelque chose, on est vraiment engagé dans son rôle, mais c'est le jouer avec légèreté et distance. Est-ce qu'on peut aussi voir cette idée de jouer un rôle de cette manière-là, Ilaria Gaspari? Oui, bien sûr, c'est un risque, mais je pense que là aussi, il faut se rappeler que, par exemple, aujourd'hui, on parle toujours de la personnalité. Non, c'est très important, même dans cette idée de se trouver comme un trésor, qu'on disait avant. Mais je pense aussi à l'étymologie du mot persona. Oui. Persona, ça vient du latin masque, non? Donc, c'est-à-dire... Et c'est la masque théâtrale, c'est la masque du théâtre qui est à la base du mot persona, qui veut dire, en italien, ça veut dire personne, la personnalité, tout ça, tout ce lexique, le personnage, ça vient du théâtre. Donc il y a un lien très profond avec l'idée que ce qu'on est aux yeux des autres est quelque chose qui est construit par une représentation presque théâtrale. C'est-à-dire qu'on est en face, on est visible par les autres, et donc il y a cette protection du masque qui est quelque chose qui est là, qui reste là entre nous et les autres. Bien sûr, les risques de porter ça avec légèreté, comme si c'était quelque chose derrière laquelle on peut se cacher, c'est un risque qui est présent, mais bien sûr, les vrais sages stoïciens ne tomberaient pas dans ce risque. Et pourquoi? Parce qu'il est fait pour sa liberté. Sa mission est une mission de liberté. Et donc, voilà, il est libre aussi dans le fait de jouer ça. Donc, il ne profiterait pas de ça. Donc, c'est une tentation qu'on a, alors qu'on ne voit pas l'aspect le plus profond du fait de jouer un rôle. Parce que jouer un rôle, ça veut dire aussi se plier aux nécessités du rôle. Ça veut dire aussi se plier, se transformer pendant qu'on joue le rôle. Le vrai acteur, il se transforme dans le personnage qu'il interprète. Et c'est vrai qu'il y a, pourtant, il reste cet détachement entre un moi intime et un moi social. Et ça, c'est vrai. Et on le voit très bien dans les pensées de Marc Aurèle. C'est quelque chose, c'est une question sur laquelle il s'interroge. Il est le grand empereur. Et dans ses pensées, il est un homme. Il est un homme avec ses faiblesses. Il est un homme qui fait son effort, qui fait ses efforts de faire son exercice spirituel. Et là, il y a quelque chose qui est un peu vraiment quelque chose de bouleversant. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours chez les stoïciens, une différence entre le moi intime, qui est quelque chose qui n'est pas dévoilé, sinon dans les secrets des pensées qui sont pensées. Qu'en est-il dans cette division entre moi intime et moi social du rapport au corps? Vous en parlez dans votre livre, hein, Ilaria Gaspari, Leçon de bonheur. Le rapport au corps est le corps est un indifférent, hein, dans la voilà. Tripartition d'Épictète entre ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi et donc les indifférents. Qu'en est-il de ce corps qui appartient à la fois à mon moi intime, à travers lequel je peux ressentir un certain nombre d'émotions que je dois nourrir, que je dois entretenir, mais qui est néanmoins une interface avec les autres et sur lesquels les autres peuvent projeter un regard qui va m'affecter ou pas. Ah oui, là c'était la partie la plus profonde et la plus difficile de mon expérience de stoïcien, je pense, parce que je pense qu'on est assez obsédé par une idée du corps qui travise la devise d'Épictète, non, du partage entre les choses qui dépendent de nous et qui ne dépendent pas de nous. C'est très difficile. J'ai écouté, vous en avez parlé aussi dans l'émission les jours passés, parce que c'est vrai que le corps est un indifférent, mais c'est vrai qu'il est... On doit les soigner, il faut qu'on mange bien, qu'on boit bien. Et là, ces préoccupations très pratiques, alimentaires et tout ça, sont très présentes dans les écoles antiques des philosophies. Donc, c'est pas frivole d'en parler. Mais c'est vrai aussi qu'on est pas tout à fait maître du destin de son corps, de sa mortalité. C'est pas quelque chose dont on est responsable. Mais il y a aussi un autre chose par rapport au corps, surtout si on est des femmes, je pense. Toujours aujourd'hui, même si c'est quelque chose que heureusement va changer, je pense. Les regards des autres, les regards qui est parfois un regard qui fait une évaluation aussi de la beauté, de la prestance d'un corps, de l'aspect du corps. Parce que le corps n'est pas seulement le fonctionnement du corps qui nous permet de vivre, qui est notre vie, mais c'est aussi l'évaluation, le jugement des autres sur notre corps, le désir ou pas le désir. Pour moi, c'était très difficile parce que je venais d'un moment où j'avais une relation très longue, j'avais vraiment le corps brisé, comme on dit, parce que c'était 9 ans de relation, ça venait de se terminer. Et donc voilà, je me posais des questions par rapport à ce que j'étais, si j'étais aimable, si mon corps était encore à aimer, encore qui pouvait aimer. Et donc voilà, je me suis... Et là, l'idée du masque, l'idée qu'il avait encore, que les autres voyaient, et encore qui était le mien, qui était mon histoire, qui était mon corps intime, qui était le corps dont j'étais responsable, ça m'a aidé énormément. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce passage sur le masque. Parce que j'ai pensé, c'est vrai, quand je suis dans le monde, quand je suis avec mes vêtements, quand je suis habillée, quand j'ai choisi comment je veux apparaître aux autres, et il y a un certain extension du choix, non? Je peux choisir dans une certaine mesure comment je veux apparaître, et je peux me demander pourquoi je veux apparaître désirable, pourquoi je veux apparaître, je sais pas, mystérieuse, pourquoi je veux apparaître d'une certaine façon. Et là, c'était le théâtre. Et après, il y avait quelque chose qui ne dépendait pas de moi. C'était les dimensions de mon corps, c'était le développement de mon corps, c'était ce que j'appelais les défauts, c'est que je projetais un regard, un jugement qui était les miennes au final et que j'attribuais aux autres. Et donc, je me suis confrontée avec ces choses que, bon, ça me faisait, même quand j'écrivais, j'avais honte de l'écrire parce que j'ai étudié la philosophie, je suis docteur et tout ça. Donc, je me sentais très frivole à penser à ça. Et au final, ça m'engageait beaucoup, l'idée de penser, de m'évaluer, de tout le mépris que j'avais projeté sur mon corps, parce que j'avais pensé que c'était un instrument pour me gagner l'amour dans la vie. Mm-hmm. Et donc voilà, c'était très étonnant d'essayer de voir ça, cette pensée, qui est une pensée un peu stupide, je le sais très bien, mais je pense que aussi, parfois, il faut être un peu stupide pour pratiquer la philosophie. Il faut se laisser étonner par des pensées qui sont très simples, parce qu'elles ont quelque chose d'enfantine, parce que là, c'est là que tu te poses la question. Alors, je me suis posé la question, pourquoi j'ai projeté tout ça sur mon corps? Et j'ai vu l'énormité des stéréotypes culturels que j'avais projetés sur mon corps, l'énormité du mépris que c'était... Mon mépris pour ma faiblesse, pour mes limites, pour des choses que je ne pouvais pas contrôler. Et là, je suis revenue à Epictète, je suis revenue à l'idée que voilà, il faudrait faire ce partage et utiliser le masque comme une protection. Alors, il y a aussi un autre point sur lequel vous avez travaillé, Ilaria Gaspari, c'est sur le temps. On va tout de suite entendre un texte non pas d'Épictète, et oui, on fait une petite infidélité à Épictète pour cette dernière émission sur son manuel, en écoutant cette fois-ci un extrait des lettres à Lucilius de Sénèque. Antonia, chaque fois que je te vois, je me demande comment il est possible que j'aie donné le jour à un être d'une telle beauté. Tu me rends très difficile l'abandon de la vie. Père, tu as encore une longue vie devant toi. La mort est dans l'ordre des choses. On l'oublie volontiers à ton âge. Que ferais-je si tu me quittais, père? A-t-on le choix? Bientôt, tout le ruissellement de mes humeurs et de mon sang, tout l'amalgame de mes nerfs et de mes artères deviendra poussière. On n'a pas le choix. Fais-le, mon cher Lucilius. Affirme ta propriété sur toi-même. Et le temps que jusqu'ici on t'enlevait, on te soutirait ou qui t'échappait, recueille-le et préserve-le. Certains moments nous sont retirés, certains dérobés, certains fils. La perte la plus honteuse pourtant est celle que l'on fait par négligence. Veux-tu y prêter attention? une grande partie de la vie s'écoule à mal faire, la plus grande à ne rien faire, la vie tout entière à faire autre chose. Quel homme me citeras-tu qui mette un prix au temps, qui estime la valeur du jour, qui comprenne qu'il meurt chaque jour? C'est là notre erreur, en effet, que de regarder la mort devant nous. En grande partie, elle est déjà passée. Toute l'existence qui est derrière nous, la mort la tient. Fais donc, mon cher Lucilius, ce que tu écris que tu fais. Embrasse toutes les heures. De la sorte, tu dépendras moins du lendemain quand tu auras mis la main sur l'aujourd'hui. Pendant qu'on la diffère, la vie passe en courant. Toute chose, Lucilius, est à autrui. Le temps seul est à nous. C'est l'unique bien, fugace et glissant, dont la nature nous a confié la possession. Nous en chasse qui veut. Quel texte magnifique on vient d'entendre, interprété par François Raison. C'est donc la lettre à Lucilius de Sénèque. C'est la lettre 1, paragraphe 1, 2, 3. On entend dans ce texte donc la première phrase qui est incroyable. Affirme ta propriété sur toi-même et le temps que jusqu'ici on t'enlevé, on te soutiré ou qui t'échappait, recueille-le et préserve-le. Finalement, ça renvoie à une idée assez courante et d'ailleurs très édulcorée, du carpe diem, du circonscrire le temps, vivre dans le présent. Mais c'est plus intéressant que ça, que de modifier la représentation qu'on a de la mort ou qu'on a du temps. C'est vraiment une question de propriété sur soi-même, Ilaria Gaspari. Ah oui, bien sûr, j'adore cette page de Sénèque. Je la relis plusieurs fois, parfois même dans la même journée, parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement puissant. Et oui, c'est ça, aussi, le corps, c'est aussi notre temporalité, non? Mm-hmm. Notre corps, c'est le fait qu'on a une vie limitée. Mais le temps, c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on se confronte alors qu'on est vivant. Et là, je trouve que cette page est vraiment formidable. Oui, on a l'idée édulcorée du carpe diem. C'est une expression qui a été utilisée par le poète latin Horace. Et souvent, on cite le carpe diem, mais pas la phrase qui suit, qui dit il faut prendre le moment sans penser, sans espérer au lendemain, non? Il ne faut pas se projeter sur le futur. Il faut être dans le présent. C'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de bien différent de l'idée consommiste du carpe diem. C'est quelque chose qui a à faire avec cette première phrase de Sénèque qui est, je trouve, formidable, je suis d'accord avec vous, qui dit, quand il dit « affirme ta propriété sur toi-même », en latin, il dit « vindica te tibi ». C'est-à-dire, c'est le verbe « vindicare », c'est le verbe qu'on utilisait pour l'idée, quand on délivrait les esclaves, quand on a émancipé les esclaves. C'est comme si il se disait « rachète toi-même à ton esclavage ». Mm-hmm. Non. Donc voilà, c'est très puissant et c'est quelque chose qui a à faire avec un grand tabou de notre temps, la réflexion sur la mort aussi, sur le fait de la limite, du fait que la vie est limitée et que ça dépend pas de nous, mais ce qui dépend de nous, c'est d'être, de vivre, d'être responsable de notre vie dans cette limite. À l'intérieur de ces confins. Oui. Ce qui est frappant aussi dans cette représentation du temps, quand Sénèque dit « affirme ta propriété sur toi-même », rachète en fait le temps qui t'était enlevé, dont tu étais esclave, c'est aussi ne fais pas d'illusion sur le fait que le temps t'appartienne, dans le sens où tu vas pouvoir en faire ce que tu veux, tu vas pouvoir l'arrêter. On n'est pas du tout dans une maîtrise du temps, mais dans une maîtrise, et là on retombe en fait finalement sur la grande thèse d'Épictète et des Stoïciens, sur tu peux maîtriser en fait ta représentation du temps. Pourquoi le temps est toujours fait d'espoir, et c'est pour ça que vous avez bien fait de citer la suite de Horace et du Carpe Diem. Pourquoi le temps est toujours fait d'espoir ou de regret? Pourquoi le temps est toujours pétri en fait de représentation plutôt que de ce qu'il est, à savoir parfois un espace qui peut être aussi inoccupé, immobile, désœuvré? Et là, je n'ai pas une réponse très précise à cette question, parce que c'est une question que je pense nous ouvre un univers de réponses possibles. Pour moi, je pense que c'est parce que c'est vraiment un acte de responsabilité d'habiter son présent. C'est quelque chose. Et là, cette lettre, et voilà pourquoi j'aime autant cette lettre, parce que c'est une lettre que je trouve très optimiste, mais quand même, ça donne ça un rappel à la fatigue qu'il requit d'être responsable de son rapport avec le temps, de ne pas les subir, de ne pas être passif. Alors que c'est plus facile parfois de s'échapper à cette responsabilité qui est la responsabilité clé de notre expérience d'être humaine, non, de vivre dans le temps avec un temps limité dont on ne connaît pas la limitation, on ne connaît pas la mesure de notre temps. On ne sait pas combien de temps il faut qu'on passe sur la terre. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très radical, qui nous fait trembler vraiment dans notre racine, dans la profondeur de notre vie. Et pourtant, c'est un effort que, si on ne le fait pas, va nous laisser peut-être vraiment noyer dans les regrets. Tout à fait. Et c'est aussi l'idée que parfois on répond aux attentes des autres et on n'a pas la force d'affirmer un rapport personnel au temps, alors que c'est vraiment quelque chose de personnel. Une dernière question, Ilaria Gaspari, très rapidement, vous posez cette question dans votre livre. Dès lors, en fait, qu'on n'investit plus en fait le temps d'attente qui dépend peut-être des autres, dès lors qu'on ne se laisse plus aller en fait à l'espoir ou au regret. Vous posez la question, qu'est-ce qui va nous sauver de l'ennui et de l'inconfort? Et effectivement, le grand vertige que provoque le temps, c'est de ne pas savoir comment l'occuper, de s'y ennuyer. Oui, je pense qu'il faudrait un peu récupérer ça parce que nous, on est trop protégés de l'ennui, non? On a trop de dispositifs qui nous protègent de l'ennui. Et là, ça nous donne une idée, ça donne à notre idée du temps une consistance qui n'est pas réelle, qui n'a rien à faire avec la vraie nature du temps. Donc, je pense qu'il faudrait un peu s'ennuyer et surtout découvrir le temps vide, le temps de la scolaire, le temps des loisirs pour les Grecs antiques. C'est très important, le temps de la scolaire, c'est-à-dire d'où vient le mot école, surtout. Donc, c'est-à-dire, c'est un temps qui n'est pas comptabilisé. C'est un temps qu'il ne faut pas capitaliser, mais c'est un temps pour soi. Pour soi, c'est-à-dire pour étudier, pour lire, pour faire l'exercice spirituel d'être conscient de sa vie, de devenir conscient de sa vie. Merci beaucoup, Ilaria Gaspari. On finira sur ces belles phrases. J'étais très heureuse de vous recevoir pour cette dernière émission sur le manuel d'Épictète. Je rappelle que de vous, on peut lire, donc, il y a deux titres, hein, « Six philosophes dans mon salon, sagesse antique », c'est aux éditions Champflammarion, ou alors, et c'est le même livre, « Leçon de bonheur, exercice philosophique pour bien conduire sa vie », et c'est aux éditions PUF. Et je signale aussi que vous êtes l'autrice de « L'éthique de l'aquarium », et c'est disponible aux éditions Grenelle. Grand merci, Ilaria Gaspari. C'est fini la comédie, tout avait commencé comme une pièce à succès dans le décor tout bleu. D'un théâtre de banlieue, nous n'étions que nous deux. On s'est aimé longtemps, au point d'oublier le temps qui tout au long des scènes transformait les joies en peine. Il a gagné le temps. Il est content quand il nous voit chacun de son côté comme des étrangers. Nous n'avons plus en commun que les mots quotidiens. Le décor n'a pas changé, mais les acteurs n'ont rien à jouer. Écoutez France Culture, vous écoutez Dalida, c'est fini la comédie et maintenant il est l'heure d'écouter la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Et l'art dans tout ça?